Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin. De 7h à 9h, c'est Kimbo pour vous accompagner sur votre radio RPL. En écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise, en radio numérique ou directement sur le site. On remercie Tonton Jay qui vient de faire l'ouverture avant nous. De 6h à 7h et auparavant on remercie So King qui a fait l'ouverture lui à 5h avec sa nouvelle émission So Disco Jacking. Vous les retrouverez tous les deux samedi prochain. Nous sommes partis pour 2h de musique électronique, 2h de mix vitaminé ce matin et oui on va bien te réveiller, on va bien terminer ta soirée. Donc si t'es au boulot, ben on te souhaite bon courage et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Thank you. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. Thank you. RPL Radio. Thank you. Club, votre after du samedi matin. Thank you. sur les ondes d'RPL. No deceitful faces, only reflection of purest beauty. Move me. Move me. Everything gets lost. Thank you. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. première heure de Fréquence Club s'achève. Vous inquiétez pas, on va enchaîner aussi vitaminé. On va rester dans la tech house, donc allez vous chercher un café ou un petit thé, on va enchaîner. Thank you. Club sur RPL, c'est la base, mec. Jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.